Jusqu'à 20h sur Fadjet, Demain de Maître, présenté par Olivia. Le métier que je fais, c'est un métier de passion. J'ai toujours voulu faire ça. C'est pas tous les jours facile, mais le fait de faire ce qu'on aime, c'est enrichissant tous les jours. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui pousse la porte des ateliers d'artisans d'art en Lorraine et en Alsace. Demain de Maître s'intéresse aujourd'hui aux créations ethniques de Julie Varnier, alias Kumbeli, créatrice textile installée à Villers-le-Sec dans la Meuse. De l'Afrique à l'Australie, en passant par les fleurs de son jardin, Julie Varnier s'inspire de tout ce qui l'entoure pour créer ses parures brodées et ses bijoux en chute de tissu. Bonjour Julie Varnier, merci de me recevoir dans votre atelier en Meuse, en Lorraine. Bonjour, merci d'être venue jusqu'ici dans la Meuse. Alors Julie, qui êtes-vous ? Alors, je suis une créatrice textile, donc c'est-à-dire que je travaille la matière textile, donc pas forcément du tissu, un textile c'est assez global, dans différents domaines. Le vêtement d'une part et le bijou. Le bijou, je travaille deux techniques. Les bijoux en chute de tissu, les chutes de tissu que je réutilise lorsque je fais la confection de vêtements ou d'ailleurs d'accessoires vêtements, comme des ceintures ou autres. Et enfin, je travaille le bijou brodé, inspiré de la nature. Donc ça, c'est le travail le plus artistique et qui me passionne davantage. Et c'est sur ce point-là que je vais un petit peu vous raconter et vous expliquer mon travail. Alors justement, par rapport à ces bijoux brodés, quel est votre parcours ? J'ai déjà commencé par un bac art appliqué, donc j'ai tout de suite été baignée un peu dans le domaine des arts, à Nancy, à Lauritz. Ensuite, j'ai pris la direction du textile, parce que j'étais sensible à cette matière. J'ai d'ailleurs appris à coudre avec ma mère quand j'étais toute jeune, et j'étais sensible à ça. Et donc, j'ai pris la route de Dupéré, c'est une école de mode à Paris, où j'ai réalisé un diplôme de métier d'art textile. Donc, c'est un diplôme qui permet de créer et faire des recherches de matières textiles, donc des matières, mais pas forcément, parce que j'ai fait aussi des recherches de matières papier, liées à un thème. Donc le thème nous appartient. Moi, pour mon projet d'étude, j'ai décidé de travailler sur la faune et la flore en Namibie, pays que j'avais visité plusieurs fois, voilà, et qui me tenait à cœur. Et donc là, vous êtes partie en Afrique ? Alors, à l'issue du diplôme, donc avec une amie, on a décidé de partir en Afrique pour découvrir les ateliers textiles et autres d'Afrique de l'Ouest. Donc, on est parti au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. On y a appris des techniques, que ce soit de teinture, donc le bogolan, le batik, c'est des techniques propres à ces pays. On a aussi bien travaillé les techniques de bronze à la cire perdue. On a aussi découvert les ateliers de tailleur, de confection. Voilà, différentes techniques. C'est à ce moment-là qu'on a aussi commencé à développer un petit peu, on continuait à faire nos manipulations textiles et nos manipulations artistiques, on va dire. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à récupérer les chutes de tissus laissées par les artisans, les tailleurs dans les rues. Et c'est aussi là que je réutilisais les techniques apprises à l'école. L'année d'après, une fois le voyage terminé, j'ai décidé de reprendre la route du Mali. Et j'ai ouvert un petit atelier avec un artisan où je travaillais sur place et où je pouvais vendre aussi un petit peu mes pièces. L'année s'est passée et puis je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques lacunes en couture et en patronage. Donc j'ai pris la route de la France pour venir me reformer. Et donc là, retour en France et vous vous formez à quelle technique alors ? Alors, je me suis formée en couture. Alors, j'étais autodidacte jusque-là. J'avais appris à coudre avec ma mère, toute jeune. Donc, je suis quand même retournée à l'école pour vraiment avoir les bases et de perfectionnement, en fait. À travers un CAP ? À travers un CAP couture flou à Thaon-les-Vosges, dans le lycée Émile Gallet. En Lorraine ? En Lorraine, voilà. Ensuite, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que je me perfectionne en patronage. Donc j'ai fait une formation à Paris, à la chambre syndicale de couture. C'était une formation d'une journée par semaine pendant 6 mois. Donc c'était une formation plutôt rapide. Et ensuite, vous décidez de lancer votre marque éponyme Kumbale. Voilà, Kumbale. Donc ça, c'était en octobre 2012, si je me souviens bien. Je me suis dit, allez, je me lance, j'ai de quoi commencer. J'avais commencé à travailler un petit peu mes bijoux et un petit peu de vêtements, mais plus bijoux. Donc je me suis dit, allez, je me lance et j'ai créé ma marque. Et alors, Kumbale, ça veut dire quoi ? Alors, Kumbale, c'est un mélange de bambara et de français. Le bambara, c'est la langue officielle, nationale du Mali. J'aimais bien la libellule, donc Mohamed Kumba, c'est la libellule en bambara. Donc j'ai gardé la tête, Kumba, et j'ai rajouté Elep pour imager la tête ailée, la tête qui pense et qui crée en s'inspirant de ci et de là, en fait, hein, de la faune et de la flore, et voilà. Et qui traverse les frontières. Voilà, qui traverse les frontières, voilà. Julie, pourquoi travailler le cuir dans vos bijoux ? Alors, le cuir n'est pas venu tout de suite. À la base, dans mes bijoux inspirés de la nature, donc qui utilisent une technique issue de la vannerie, mais vraiment développée, je travaillais avec des cordons de coton et je les brodais avec du fil de coton. Donc, tout était en coton. Et je me suis rendu compte peu à peu que le coton n'était pas tellement rigide. Donc, j'ai en Afrique, au Mali, j'ai commencé à utiliser les cordons de cuir que les artisans fabriquaient eux-mêmes. Et je me suis rendu compte que ça avait beaucoup plus de tenue. Le cordon de cuir plus le fil de coton à broder dessus créent une matière voilà, assez rigide et plus jolie, avec un aspect un peu différent. Donc, c'est venu comme ça. Et donc, l'Afrique a été un petit peu le point de départ vers cet ailleurs. Mais maintenant, vous créez aussi d'autres pièces du Brésil et d'autres pays, pas que de l'Afrique. Oui, c'est ça. Alors, le point de départ en études, c'était vraiment, je m'inspirais de la Namibie et de la faune et de la flore que j'ai rencontrée là-bas lors d'un voyage. Mais petit à petit, en fait, je m'ouvre vraiment à d'autres sources d'inspiration qui m'entourent parce que j'habite ici dans la nature, hein, dans un petit village de la Meuse. Donc, aussi bien des fleurs du jardin de ma mère ou bien des oiseaux que j'ai rencontrés ici ou là ou qu'on m'a parlé ou bien des oiseaux qui viennent vraiment de l'autre bout du monde, au Brésil, en Australie. Voilà. Un exemple en particulier ? Alors par exemple, Banksia mesneri, donc c'est un arbuste qu'on rencontre en Australie. Et ça, c'est un autre artisan qui lui fait des petites boîtes en bois, qui utilisait le bois, en fait la graine de Banksia, qui m'a parlé de ça. Et je me suis dit, c'est magnifique. Je suis allée voir et en fait, les fleurs étaient encore plus intéressantes. Donc du coup, je me suis inspirée des fleurs. Et au final, ça donne quoi comme création, comme bijou ? Alors ça donne des parures assez ethniques, des parures assez volumineuses. Donc il y a des petites pièces, mais pour moi les petites pièces c'est pas la norme pour le commun des mortels. C'est quand même beaucoup de matière brodée, donc on a des surfaces qui sont imposantes. Vous, Julie, quelle est votre création préférée ? Alors, je pourrais pas dire que j'en ai une préférée, mais j'en ai une qui m'a pris beaucoup de temps et que j'affectionne particulièrement. J'ai créé un corsage inspiré du paon, donc du paon bleu. Mmh. Donc, voilà, juste en face de nous. Voilà, voilà. Donc, on peut aller le voir. Oui. Donc en fait, c'est tout le dos est brodé de différents, on va dire, les yeux du paon. Et donc c'est à ce moment-là d'ailleurs, au début j'utilisais vraiment que des cordons et du fil de coton. Mais pour faire une pièce d'envergure comme ça, c'est plus un bijou, c'est un, on va dire, bijou-vêtement, c'est quasiment un vêtement tout en cuir. Donc là j'ai inséré petit à petit la peau pour avoir des unis et des surfaces plus grandes parce que j'avais pas le temps de broder toute la surface entièrement de cordons de cuir. Sur le devant c'est plutôt uni. Avec couleur ? Donc dans les teintes du paon, donc vert, un vert kaki. En fait, j'utilise différentes sortes de cuir, différentes teintes pour créer un petit peu les différents aspects du plumage du paon. Devant, on a quand même le bleu qui représente, on va dire, la crête du paon, qui entoure tout le cou et qui vient entourer la poitrine. Et tout le reste, c'est vert, enfin un jeu de vert. Dans le dos, ensuite, c'est là qu'on voit tout le travail de broderie de cordon avec les différents œillets du paon. Donc, qui là reprennent les teintes du bleu au rose jusqu'au vert. On a des parties qui sont beaucoup plus travaillées, comme le bas du dos, avec des petites tiges de cuir qui représentent le bout du plumage du paon. La queue. Voilà, la queue du paon. Julie, vous nous montrez la première étape pour réaliser un bijou kumbélé. On y va, c'est parti, je vous suis dans votre atelier confection. Donc là, on entre dans l'antre, si je puis dire, voilà, de la partie atelier confection. C'est ça. Donc là, on est dans, on va dire, un peu un showroom atelier où je travaille là et où je suis au calme. Donc là, Julie, on vient d'arriver à la partie atelier. C'est quoi la première étape du travail? Alors, la première étape, c'est de chercher une source d'inspiration. Une fois que je l'ai, eh ben, je commence à dessiner mon modèle. Donc, là, par exemple, c'est quoi? Alors là, je me suis inspirée du papillon le monarque. Donc, c'est un papillon orangé avec des teintes noires et blanches. Je m'inspire des ailes du papillon et j'essaye de trouver des formes. Donc, le point de départ, c'est vraiment l'aile. Alors, le dessin est prêt. Maintenant, je vais... Donc, le croquis, hein, le dessin global n'est pas prêt. Maintenant, il me faut que j'ai chaque forme sur papier un peu plus épais. Donc, je prends du papier un peu plus épais, voilà. Ensuite, avec mon crayon, donc, je vais dessiner la forme précise de chaque aile. Donc, ça ne sera pas une pétale, là, puisque c'est un papillon. Donc, ça serait une forme d'aile. Donc, c'est ce que vous faites en ce moment. Voilà. Ensuite, je prends des ciseaux et je découpe ma forme. C'est parti. Voilà, ma forme est prête. Ensuite, donc j'ai mon enforme en papier. Je prends ensuite la peau, donc le cuir. Donc là, vous prenez une sorte de cuir blanc, si je peux. Alors, j'utilise donc de l'agneau. Hein. C'est une matière qui est assez souple et la bonne épaisseur pour moi. Donc là, j'ai un cuir blanc, mais la prochaine étape, j'aurais très bien pu prendre un cuir orange, parce qu'il y a trois couleurs dans le l'oiseau. Avec ma forme, en papier, je la pose sur mon cuir, je fais l'enforme. Donc, l'enforme, c'est-à-dire, c'est quoi? Alors, en fait, c'est l'enforme en papier, le patron, on va dire, c'est le patron du papier. Je le trace. Avec une sorte de feutre noir? Oui, voilà, ça peut être un stylo, un feutre noir. À l'envers, je le trace. Voilà. Et ensuite, je vais redécouper avec mon ciseau. Voilà, maintenant j'ai ma forme en cuir. Donc avec mon poinçon, il faut que je prétroue mon cuir. Donc là, pour les auditeurs, je retranscris un petit peu ce que fait Julie. Elle vient de prendre un petit coussin qu'elle s'est fait elle-même. C'est ça, avec une mousse assez rigide. Et donc en fait, je peux positionner mon morceau de cuir sur ma petite mousse, protégée d'un tissu, et puis je viens le trouer. Donc, trouer le cuir d'agneau. Je viens trouer le cuir d'agneau pour pouvoir y passer ensuite mon cordon, mon fil de coton à broder. Voilà. Le but de le faire à la main, c'est qu'on est régulier, hein. Donc il faut vraiment espacer correctement les petits trous pour que ça soit joli à la fin. Et ensuite, Julie, c'est quoi la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, donc je prends mon cordon de cuir. Donc là, je vais prendre un cordon de cuir qui est orange. Alors là, pour les auditeurs, je le précise quand même parce que c'est assez intéressant. Alors, Julie vient de sortir un sachet avec une multitude de cordons de différentes couleurs. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. C'est ça. Alors en fait, on pourrait croire que c'est des Scooby-Doo, mais pas du tout. C'est du cuir. Donc c'est du cuir teinté. Il y en a différentes couleurs. Donc ça, c'est des morceaux que j'ai en 1 mètre. Mais j'ai aussi bien des rouleaux de cuir naturel, des rouleaux complets. Ah oui, oui. Ça sent bien le cuir, hein. Oui, je suis plus sensible à l'odeur à force. On se croirait un peu dans une maroquinerie. Je prends donc mon fil, mon cordon de cuir orange. Je prends une aiguille, alors ça c'est important, une aiguille à tapisser, c'est une aiguille à bourron. Donc c'est une petite aiguille avec un bourron. Bon, c'est pas une aiguille toute fine pour coudre, hein. C'est un peu plus gros quand même. Ensuite, je prends mon cordon de cuir, mon cordon ensuite de coton. Donc, c'est du fil de coton à broder. Donc là, j'ai ma petite boîte remplie de fils. De différentes couleurs, une sorte de nuancier. Donc, je choisis la bonne couleur. C'est numéroté pour que je m'en souvienne. Voilà. Je prends mon fil, je le débobine. Hop. Je l'humidifie et je le passe dans le chat de l'aiguille. Mmh. Voilà. Une fois que j'ai mon fil sur mon aiguille, alors, hop. Qu'est-ce que vous faites, la Julie ? Alors, là, je prends donc mon fil de coton, mon cordon à côté, et je vais en fait coudre, en passant à travers les trous que j'ai faits, le cordon de cuir à côté de la matière en cuir, à côté de la peau. En fait, vous emprisonnez le cordon de cuir. C'est ça. En fait, c'est comme si je le tissais. C'est au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà. Donc là, je vais avancer et petit à petit, le cordon de cuir, il va se maintenir autour. Il va se maintenir, voilà, autour de la peau. Et ça va créer une matière non plus souple, parce que la peau, quand on la tient dans la main, elle, comme c'est de l'agneau, c'est assez souple, ça tombe. Le fait d'avoir mis le cordon de cuir tout autour, ça va rigidifier la matière. Alors écoutez, moi je vous laisse terminer et puis on arrive ensuite à l'étape suivante. D'accord. Alors pour les finitions, je vais ajouter un petit rang de perles de rocaille intercalées entre deux cordons de cuir. Donc... Voilà. Donc j'ai pris des rocailles qui sont un petit peu nacrées roses. Voilà, pour donner un petit côté lumineux. Donc là, je change d'aiguille parce que le chat ne va pas passer dans la perle. Je choisis une aiguille toute fine avec un chat tout fin. Je sélectionne mes perles, voilà. Il faut avoir une bonne vue aussi. Oui, il faut avoir une bonne vue et un bon éclairage. Oui. Et après, c'est fini. Alors après, c'est fini. Non, pas tout à fait. Après, une fois qu'on les a liées entre elles, on raccorde le tout à un cordon et ensuite, on met le fermoir. Julie, vous avez exposé au Grand Palais à Paris pour le salon Révélation. Donc, c'est un salon qui est organisé par Atelier d'Art de France. Donc, c'est le syndicat des métiers d'art auquel je suis adhérente depuis l'année dernière. Et donc, en fait, c'était une opportunité que la région m'a offerte de participer. Donc, on avait un stand de Lorraine avec plusieurs artisans. Et donc là, pour cette exposition, j'ai créé 4 pièces un peu d'exception à présenter au public. Pour le salon Révélation, j'ai fait le corsage dont on a parlé tout à l'heure, donc le corsage sur le pan. Voilà, c'était une des grosses pièces que j'avais présentées. J'ai fait un second corsage sur le thème de la pintade vulture, donc c'est la pintade vautour. C'est une pintade qui est bleue et blanche. Et puis, j'ai fait deux collerettes, une qui est inspirée donc, du Banksia Mesneri, qu'on a aussi parlé tout à l'heure, et une grosse collerette de cuir orange qui est inspirée du Beaumarea. Donc, c'est une fleur qu'on trouve en Amérique centrale. Et à quoi ressemble cette collerette orange? De quoi est-elle faite? Cette collerette orange, donc elle représente en fait la multitude de clochettes qu'a la fleur de Beaumaréa. Il y a plein de petites clochettes de cuir brodé, donc de cuir orange. Donc il y a deux teintes de cuir orange pour créer un petit peu des jeux de lumière. Ensuite, pour créer du volume, parce que c'est une pièce assez monumentale, hein, quand on la met autour du cou, ça fait penser un peu d'ailleurs aux collerettes des rois. Ah. À l'époque, quand il y avait les espèces de choucroute. C'est Louis XV. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu l'idée. Quelle taille? Oh, ça se porte sur tous les coups, hein. C'est tellement large, enfin, il y a de la place. Donc, il y a les petites collerettes, et puis par-dessous, il y a deux espèces de plastrons orangés de chaque côté qui ont eux-mêmes des collerettes, et chaque collerette vient s'intercaler dans les petites alvéoles, on va dire. Et pour maintenir le tout, j'ai demandé d'ailleurs à une amie artisane qui est vanière de me montrer les techniques de danse de panier pour créer donc le collier, on va dire, qui tient toutes ces collerettes en technique de vannerie, mais tout en cuir. Donc on a une pièce qui est assez monumentale. Assez monumentale et qui du coup est exposée à Révélation. Voilà, monumentale dans un lieu monumental. Donc à travers, quand elle est exposée en hauteur, donc quand on la regardait, on voyait tous les vitraux du Grand Palais à travers, c'était assez joli. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les créations de Julie Varnier, alias Kumbele, sur la page Facebook de Main de Maître. Julie Varnier, vous êtes créatrice textile. Qui sont vos clients ? Déjà les femmes, en priorité, hein. Bon, même si les hommes achètent aussi pour les femmes. Mais mes clients sont... J'ai différents types de clientèle. En fait, j'ai différents produits. Donc, les bijoux brodés, c'est des bijoux qui prennent beaucoup de temps. Donc, à des tarifs un peu plus onéreux. Donc, pour une clientèle qui a quand même un pouvoir d'achat un peu plus important et qui ose aussi porter des bijoux très colorés et de volume et de taille assez imposante. Sinon, pour les bijoux tissus, c'est des prix abordables. Donc, les femmes aiment beaucoup parce que c'est une matière un petit peu atypique, on ne se rend pas compte que c'est du tissu, donc là c'est un petit peu pour le commun des mortels. Et puis les vêtements, je fais des vêtements qui reprennent aussi beaucoup les couleurs, avec des matières qui sont inspirées d'Afrique, par exemple les wax africains. Et là ces derniers temps, je travaille beaucoup avec des saris indiens. Donc toujours très en couleur, toujours à motif principalement, ou marié avec des unis comme le lin ou du coton. Donc c'est pour des femmes, on va dire, qui aiment la couleur. Voilà. Et est-ce que vous arrivez honnêtement à en vivre, notamment par rapport à vos bijoux brodés, aux parures brodées? Est-ce que c'est facile d'en vivre actuellement? Alors, c'est pas simple d'en vivre. Bon, moi, ça fait 5 ans que je fais cette activité-là, enfin, du moins en France. Bon, c'est une activité qui me prend tout mon temps, mais c'est pas évident d'en vivre. Après, les bijoux brodés, c'est sûr que comme c'est des pièces assez d'exception, j'ai plus difficilement une clientèle, ou du moins, il faut que je la cherche. Voilà. Après, le fait de faire du vêtement, c'est plus facile à commercialiser, parce que les femmes mettront plus facilement de l'argent pour du vêtement que dans du bijou. Mais les bijoux, les vêtements, c'est assez récent aussi. Avant, je faisais ça que l'été. Et là, je me suis orientée un petit peu dans une autre région. Et j'ai eu pas mal de demandes en vêtements. Donc, je développe un petit peu ça en ce moment. Julie, quelles qualités faut-il pour être créatrice textile ? Alors, je pense qu'il faut déjà être patiente, du moins dans son travail, parce que ça prend pas mal de temps dans le silence, dans le calme. Il faut être minutieux, aussi perfectionniste. Je pense que c'est important de faire des pièces sans défaut, ou du moins s'améliorer de pièce en pièce pour que la clientèle soit très satisfaite. Donc, se remettre en question, c'est aussi important. Et puis, comme on est artisan indépendant, c'est un métier polyvalent. Donc, il faut savoir faire un peu toutes sortes de choses. Il faut être commercial, aller se vendre. Il faut être disponible quand même pas mal aussi, hein, les week-ends, pour faire des salons, faire des marchés. Et puis, il faut savoir faire la compta aussi. Le petit point Il n'y a pas que de l'artistique. Il n'y a pas que de l'artistique, voilà. Et puis aussi, l'artistique, donc, c'est une partie du travail. Mais une fois qu'on a trouvé un modèle, parfois, on se dit, bon, bah, j'ai le modèle, je ne vais pas recréer tout le temps. Je réutilise dans des couleurs différentes. Ça reste de la pièce unique. Mais on aura quand même moins de temps de recherche. Parce que sur des grosses pièces, j'ai énormément de temps de recherche et de confection de patronage que je ne peux pas me permettre d'avoir sur toutes les pièces. Il y a des pièces quand même plus d'exceptions et des pièces un petit peu plus commercialisables. Et si on parle par exemple des pièces d'exception, comme celles que vous avez décrites, par exemple la pièce notamment réalisée pour le salon Révélation à Paris, combien de temps à peu près ça vous a pris ? Sur le thème du pain, là j'ai plus d'un mois de travail. C'est pas mal de temps. Puis après, sur des bijoux, on va dire, de taille standard que je vends sur mes expositions plus facilement, j'ai entre 4 heures pour un collier et 7 heures, voire plus. Julie, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien ? Au quotidien, ce qui m'inspire, c'est ce qui m'entoure, c'est ce que je découvre aussi. On a la chance d'avoir Internet, donc c'est ce que les copines m'envoient comme photo, en me disant « Tiens, regarde, j'ai découvert ça, jette un coup d'œil, ça va sûrement t'intéresser. » C'est aussi les rencontres avec les artisans lors des salons, on échange, on voit des choses. Voilà, c'est tout ça qui m'inspire. Et tout ce qui est un petit peu ethnique aussi, non ? Oui, bien sûr, ouais. Je suis assez attirée par toutes les cultures orientales et ethniques, enfin africaines aussi. Les tissus que portent les tribus à l'autre bout du monde ou les ethnies. Oui, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et justement, Julie, est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas, des voyages prochains en Afrique ou ailleurs ? Alors, pour le moment, non. Mais avant, j'allais en Afrique régulièrement. Et d'ailleurs, j'achetais des perles là-bas à des artisans. Donc, je réutilise dans certains bijoux des perles que j'ai ramenées là-bas. Pour l'avenir, j'aimerais peut-être plutôt m'orienter vers l'Inde. Comme je travaille avec des saris indiens, j'aimerais bien aller dans des ateliers indiens pour voir les techniques de teinture. Ils ont des techniques différentes encore que l'Afrique. Et voir aussi tous les ateliers de broderie. Donc c'est un axe, bon c'est pas prévu dans l'immédiat, mais c'est quelque chose que j'aimerais réaliser. Où pourra-t-on vous retrouver prochainement ? Alors là, les prochains salons en Lorraine, ils sont... Donc le prochain c'est à Mondorf-les-Bains, c'est au nord, donc c'est à la frontière entre le Luxembourg et la France, c'est d'ailleurs au Luxembourg. Donc ça sera fin octobre, le 28 et le 29 octobre. J'ai une exposition donc pour des pièces d'exception qui... D'ailleurs, le thème de cette exposition est parure, qui va se dérouler à Paris, donc courant novembre. Mmh. Et puis sinon, après, c'est des salons en Meuse, le salon à Sampigny. Donc c'est un petit village de la Meuse, et oui, l'artisanat d'art est aussi dans notre coin. Et puis le salon Cousu de fil rouge à Baccarat, à Thaon-les-Vosges, pardon. À Thaon-les-Vosges, donc dans les Vosges. Dans les Vosges, en ouais. Lorraine. En Lorraine, qui aura lieu bientôt. Qui aura lieu du 24 au 26 novembre, et dans un cadre assez magnifique. Ouais. Magnifique. Julie, pour terminer, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, alors qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dire que déjà le métier que je fais, c'est un métier de passion, que j'ai toujours voulu faire ça et que je me suis formée pour y arriver. Et c'est devenu un travail, même si c'est mon métier et ma passion, mais c'est à la fois mon métier. Et du coup, c'est pas tous les jours facile, mais le fait de faire ce qu'on aime, c'est enrichissant tous les jours. Je suis en train d'ouvrir un nouvel atelier, donc les travaux se terminent bientôt. Mmh. Et donc, je pense que pour les prochains JMA, donc les Journées Européennes des Métiers d'Art, l'atelier en avril prochain, donc 2018, je pense que l'atelier sera ouvert et on pourra venir me voir dans la Meuse. Voilà. Donc, toujours dans la Meuse, en Lorraine. Et en attendant, on peut peut-être regarder vos créations donc sur la page Facebook de Main de Maître, mais également sur votre page Internet. Oui, alors j'ai un blog pour l'instant, mais je suis en train de faire un site. Donc, le site, ça sera www.koumbele.fr ou .com. Pour me retrouver aussi, alors on ne trouvera pas les bijoux brodés à cet endroit-là, mais on trouvera les bijoux tissus chez les Tata Fringueuses. Donc, c'est une boutique de créatrices et de créateurs à Nancy. Donc, c'est des copines à moi. Et c'est rue rue des Sœurs Macaron à Nancy. Donc je vous invite à y aller. C'est la création de mode pour hommes, femmes et enfants. Eh bien voilà, je pense que le rendez-vous est pris. En attendant de vous retrouver, Julie, sur les différents salons ou même chez vous dans votre futur nouvel atelier. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Julie, en tout cas, de m'avoir reçue chez vous dans votre atelier en Meuse, en Lorraine. Merci à vous, c'est gentil d'avoir fait la route. À bientôt, au revoir. À bientôt. Retrouvez toutes les créations de Julie Varnier, alias Kumbélé, sur la page Facebook Demain de Maître. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi 27 octobre à partir de 19h30 sur Fadjet. À bientôt.